boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Tranquille pour notre pop and rock avec une de nos découvertes de la semaine passée, Bob Mould, un des pères du rock grunge qui nous offrait à l'instant Forecast of Rain, issu de son dernier album qui vient de sortir. Ce soir dans Pop and Rock, on se prépare une playlist tranquille à écouter au réveil, dans le train qui emmène au turbin ou bien le soir avant de dormir. On retrouvera des artistes aussi variés que Big Thief, David Eugene Edwards ou encore Emily Jane White qui nous rejoint tout de suite avec Hole in the Middle. Everybody does a little dance with the devil. And everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know I'm even there. And you shout it loud and proud, saying born in the U. Saying born in the USA.

Je ne me noierai pas dans ce désert.

I wanna walk a little bit taller on me. I wanna feel a little bit stronger on me. I wanna think a little bit smarter. Said I just wanna be the best. Me, I wanna walk a little bit taller on me. I wanna feel a little bit stronger on me. I wanna think a little bit smarter. Said I just wanna be the best. Jeff's and Blade, the boys have sunk to the bottom. Oh, summer, summer, poor, poor summer, kiss me. Bottom where we belong. Boom, boom, boom. Galley, you sinking like a beating storm. Boom, boom, boom, boom. All about the crowd around. So very loud. Mister, get me a skeleton. This back slaps the surface of the pool. Pool killer, killer, pool, pool killer, kiss me. Mister, got me in skillet, told me so. La la la la la la, burning down on the radio. La la la la la la la, pool summer, summer, pool. Summer vibes still. Si vous nous écoutez bien au fond de votre fauteuil SNCF, j'espère que nous arrivons à vous faire voyager par vos AirPods ou assimilés. On vient d'écouter Alt G dans une session live et le voyage va encore s'adoucir grâce à Agnès Obel, Familiar. Walk on the water if I The sirens calling away. parce que pendant un voyage en train, moi aussi j'ai envie de prendre du plaisir. Quoi de mieux qu'un dandy anglais, fils de Ian Dury, pour continuer notre soirée, Baxter Dury, avec le morceau Slumlord. Fresh honey, I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. Just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit. c'est le signal pour servir les cocktails de flatterie au venin. Quant à moi, merci bien, je ne bois rien que des liqueurs abstraites produites à l'œil par magie blanche. Mais vous, vous reprendrez bien une petite coupe. What a wonderful taste. Nuit de ci, nuit de là. Chantonne un cavalier mental. My rifle, my pony, and me. My rifle, my pony. Enchaîné avec Rodolphe Burger, mon Mulhousien préféré. Allez, l'émission tire à sa fin, encore deux petits morceaux. Action. Tout de suite, West End Motel avec le morceau Tinny Man. Man, you see this family over here? We gotta get our shit together. We really don't have our things together. They're all matching. I mean, we gotta get our game together. I'm just a tiny man living in a home. Don't you think it's wrong? I think that something could be wrong. Size of a grain of sand, don't you think it's something could be very wrong? I'm just a tiny man, please put me in your pocket now. Please take me home, please don't you leave me alone again. Dans Pop and Rock. On va se quitter avec Warpaint et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous et n'oubliez pas de prendre votre ticket pour le prochain voyage de Pop and Rock.